et pendant plus d'un an, elle refuse toutes ses invitations. Coup de froid. Et puis, quelques années plus tard, ou plus tôt, c'est la libération par la parole pour Edith Cresson. Elle vide son sac, ça fait du bien. À commencer par Bérégovoy. Tout le monde le sait, ça, oui. Alors, qu'est-ce qui se passait ? Lui, il vivait dans l'idée qu'il voulait devenir Premier ministre depuis 20 ans. Les classiques du PS. Il est tout à fait vrai que la phallocratie dominante survit dans les partis de gauche. Je connais bien le Parti Socialiste, mais pour ce que j'ai pu voir, elle survit aussi largement au Parti Communiste. Les femmes en politique. Les femmes sont des êtres humains, douées d'un cerveau. Il faudrait quand même pas l'oublier. Conclusion. C'était un cauchemar. 91 à 92. Ouais. 91-92, c'était un cauchemar du premier au dernier jour, bien sûr. On partage plus de secrets, on ne partage plus nos joies. On se dit plus trop grand chose quand on se voit. Plus cibre, plus les doigts. Et devant tout ce qui nous. Notre passé, c'est comme de la poussière qu'on souffle sur un meuble. Des particules qui dansent dans le soleil et disparaissent toutes seules. Quand je pense à tout ce qui nous sépare, sans plus rien qui répare. Au nom de tout ce qui nous sépare, comme de écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, l'histoire d'Edith Cresson, dont nous allons parler avec Fiona Texer, notre invitée. Bonjour. Bonjour. Consultante auprès d'élus depuis 9 ans, vous êtes l'une des fondatrices de l'Observatoire de violences sexistes et sexuelles en politique, par ailleurs enseignante à Sciences Po, et vous animez un podcast intitulé « Il n'y a pas mort d'homme », disponible sur la plateforme Binge Audio depuis le 29 octobre dernier. Et dans le premier épisode, vous avez interviewé longuement Edith Cresson. Est-ce qu'elle est pour vous la victime emblématique du machisme tranquille de notre vie politique à l'époque des faits ? Edith Cresson, c'est celle qui permet aux Françaises et aux Français de prendre conscience du sexisme en politique, puisque dans les années 90, il y a encore très peu de femmes qui sont parvenues à pénétrer le monde politique. Et de fait, les rares qui s'y risquent sont victimes d'un déferlement d'injures sexistes qui est à peine imaginable aujourd'hui. Et le fait que ces femmes-là puissent en témoigner, ça permet aussi d'alerter sur ce qui se passe dans un milieu qui est résolument masculin et qui s'est construit en fait strictement sans les femmes. Femmes jusqu'en 44, le moment où les femmes obtiennent le droit de vote, et en réalité quasi exclusivement sans elles jusqu'à la fin des années 90, quand les lois de parité sont enfin adoptées. Simone Veil, qui craque sur les bancs de l'Assemblée, donc 10 ans avant, plus de 10 ans avant, c'est pour le traitement que les députés hommes lui réservent, parce qu'elle est une femme, ou c'est simplement l'opposition politique des anti-avortements, à votre avis ? C'est certainement les deux. Il faut s'imaginer si les députés qui sont à l'origine de ce comportement se seraient permis la même chose avec un député homme, et on n'a pas d'autres exemples de cette violence-là. On n'a pas d'attaque sur le physique, on n'a pas d'attaque sur la voix, on n'a pas d'attaque sur la façon aussi de montrer sa féminité. On voit rarement autant de commentaires sur les costumes des hommes, est-ce qu'ils portent des bijoux, est-ce que ce sont des bons pères de famille, etc. Ce sont des critères qui ne sont pas retenus dans le commentaire sur les hommes politiques, et donc de fait oui, il y a une part de sexisme qui est énorme dans ce type d'attaque. Ce qui est particulier avec Edith Cresson, c'est qu'elle a la franchise de dire à quel point elle a souffert. Elle n'a jamais varié dans son discours jusqu'à aujourd'hui. Vous l'avez interviewé très récemment. Je l'avais interviewé il y a 2 ans, donc récemment également. Il y a toujours cette colère chevillée au corps. C'est une forme de colère qu'on retrouve chez très peu de politiques de sa génération. Mmh. C'est vrai que nous, quand nous l'avions rencontré avec la journaliste Hélène Goutani l'été dernier, il y avait chez elle une amertume et une colère quasiment intacte. On avait l'impression qu'elle nous racontait le conseil des ministres qui s'était passé 15 jours plus tôt, vu la véhémence de ses propos et puis aussi l'amertume qu'elle en concevait. On ne trouve pas ça chez les gens de cette génération-là. Et ça prouve aussi que c'est quasiment une plaie qui ne s'est jamais refermée, et une injustice qui reste encore très très profonde. Mmh. Alors les dérapages, la bourse, les japonais, les fourmis, les homosexuels anglais, les charters, finalement, tout cela émane d'une croyance d'Edith Cresson, une conviction hein, plutôt qu'une croyance, selon laquelle ce qu'on fait est plus important que le faire savoir. Et tout cela n'est pas fin, car cette conviction, l'idée qu'elle se fait de la politique, trouve ses racines dans la belle histoire que je vais me permettre de vous raconter maintenant, une petite minute, mais c'est important, ça dit tellement de choses d'Edith Cresson et de la façon dont d'autres pourraient faire de la politique. Vous savez qu'il y a une pièce de théâtre en ce moment qui s'appelle Affaires Sensibles, qui a été jouée 5 mois au Tristan Bernard, qui est en tournée, qui sera au Festival d'Avignon du 7 au 31 juillet au Théâtre de la Scala. C'est dit. Mais parmi les 3 tableaux que présente cette pièce, il y a l'histoire d'Edith Cresson sur un texte qui se nourrit exclusivement des confidences qu'elle nous a faites juste avant la création de la pièce, il y a 2 ans, jour pour jour, c'était le 2 juin 2020. Et voilà ce qu'elle nous dit, et qui ne figure pas dans les livres consacrés à Edith Cresson. C'est un propos très fort que je vous livre ici. « Petite, raconte-t-elle, j'ai eu de très profondes blessures. Je vivais en Haute-Savoie chez un couple. Lui était dans la résistance, Marcel Lens. C'était un homme extraordinaire. Nous habitions un chalet de bois, les marches faisaient du bruit, et quand il rentrait à 4 heures du matin, je l'entendais, et je devinais très bien ce qu'il faisait, pourquoi il sortait la nuit. Parfois, quand j'avais 7 ou 8 ans, il m'amenait à vélo dans la montagne, on chantait, c'était joyeux, et puis on s'arrêtait quelque part. Il me disait « Reste là, je vais venir te chercher ». Et effectivement, il finissait par revenir. Et je comprenais qu'en fait, je lui servais d'alibi pour faire ce qu'il avait à faire. Mais un jour, il n'est pas revenu. Alors les journalistes, le bébé de chou, Béret Gauvois. Marcel Lens, lui, m'a appris qu'au fond, faire quelque chose d'utile, mais dont on n'attend rien en retour, ni gratification, ni reconnaissance, c'est ça qui est magnifique. Étant résistant, lui, tout ce qu'il a fait pour la France, il l'a fait en cachette, anonymement. Mais elle a fait son devoir, il en est mort, à Mauthausen. C'est ça, avoir le sens de la France, le sens de la nation. Lui, il l'avait, et il me l'a transmis. Quelle leçon tout de même. Qu'est-ce que ça vous inspire? Ça dit quelque chose de l'époque. C'est vrai que Edith Cresson a traversé le XXe siècle et que ses modèles, ses références et ceux qui ont guidé son action en politique, ce sont des figures qui remontent à la résistance. Et ce qui est intéressant, c'est de voir aussi dans l'autre sens, en aval, ce qu'elle nous laissera. Est-ce qu'il y aura des femmes qui un jour se revendiqueront de cet héritage et est-ce qu'un jour sa figure à elle sera réhabilitée? Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, c'est ce qui explique aussi le manque de concessions qu'elle a... qu'elle voulait faire à la com politique. Elle n'aimait jamais entrer dans la com politique, dans les enjeux et les petits jeux égotiques, parce qu'elle a vécu ça et qu'elle fait la part des choses. C'est ça qui est fort aussi. On l'a critiquée en disant elle maîtrise pas sa communication. Évidemment, quand elle a vécu ça, elle sait où on peut aller en politique, et c'était dur pour elle. Et ça, c'est pas forcément un débat genré pour le coup. Non, mais elle s'est toujours montrée dans l'action, dans le faire. Elle a exercé de nombreuses responsabilités, hein, puisqu'elle a été maire, elle a été conseillère générale, on disait conseillère générale à l'époque, elle a été plusieurs fois ministre, députée européenne. Et quelque part, ce qu'elle voulait briller par son action, par son action de terrain, son action en tant que ministre, et pas par les petites phrases, les petits jeux de la politique politicienne et les confidences de la rive gauche. Ça l'intéressait pas. À la même époque, il y a le fameux bruit et l'odeur de Chirac, dont on a pardonné beaucoup plus facilement le dérapage, parce que c'est un homme, à votre avis, aussi. Ça joue aussi. Je ne suis pas sûre qu'on ait jamais pardonné à Jacques Chirac, oui. Cette petite phrase. Oui, certains l'ont pas pardonné, évidemment, mais c'est... Voilà, ça n'a pas poursuivi tant que ça. En tout cas, il a réussi à réhabiliter une image et à faire valoir d'autres arguments ou d'autres qualités. Alors que c'est vrai qu'Edith Cresson, on retiendra aussi des dérapages verbaux et une forme d'homophobie qui est à la fois révélatrice de l'époque et aussi d'à quel point c'était encore des sujets compliqués et de fait condamnables. Hein. Edith Cresson n'était pas prête pour le poste de Premier ministre, on dit les mauvaises langues. Ou était-ce le monde politique qui n'était pas prêt à laisser une femme diriger le pays, finalement? Je pense que c'est le monde politique qui n'était pas prêt, puisque dans les sondages d'opinion, les Français n'étaient pas du tout hostiles, déjà à l'époque, à la nomination d'une femme. La difficulté, c'est comment elle a été reçue au sein de la classe politique. Lorsqu'elle est nommée Première ministre, l'Assemblée nationale, c'est un monde qui se vit encore quasiment en non-mixité. Plus de 90% des députés sont encore des hommes. Ça veut dire que quand elle s'avance devant eux lors de la déclaration de politique générale, elle a face à elle des hommes qui font des blagues graveleuses après un déjeuner arrosé, pour reprendre ses propres termes. Dans son gouvernement, l'immense majorité sont encore des hommes. Dans les cabinets qui travaillent pour les ministres, c'est aussi encore à largement plus de 60%, 70% des hommes. Ses homologues à l'étranger sont encore largement masculins. Et donc, c'est peut-être tout le monde autour qui n'est pas prêt, mais c'est pas elle qui est en jeu. Des gens qui deviennent Premier ministre après avoir été 5 fois ministre et avoir exercé beaucoup de mandats locaux, il y en a beaucoup. Il y en a même qui y arrivent sans avoir été parlementaire. On se retrouve dans 3 minutes après avoir écouté Clara Luciani, Amour toujours. Texer, on va quitter le passé, parler du présent. Vous avez lancé l'Observatoire des violences sexistes et sexuelles en politique. C'était créé en février dernier. Que faites-vous concrètement? Ce qu'on a souhaité faire, c'était prolonger le mouvement MeToo politique que nous avions initié au mois de novembre 2021. Et en fait, nous, ce qu'on demande, c'est que les femmes, qu'elles soient d'ailleurs de droite comme de gauche, puissent s'investir en politique de la même façon que leurs collègues masculins. Et l'Observatoire, il a pour mission première de mettre en lumière les violences sexistes et sexuelles dans le monde politique et puis leur caractère massif et systémique. C'est un problème qui a un enjeu démocratique, en fait, puisque on est nombreuses, que nous soyons collaboratrices élues comme moi, mais élues ou fonctionnaires, ou même parfois des journalistes politiques, etc. En gros, les femmes qui vont croiser la route des hommes politiques à subir des commentaires, des remarques sexistes qui peuvent aller jusqu'au harcèlement sexuel, à l'agression sexuelle, voire jusqu'au viol. Et c'est un problème démocratique puisque tant qu'on n'aura pas permis aux femmes de s'épanouir dans le champ politique, eh bien en fait, on va finir par les dégoûter. Et quand les dégoûtés s'en vont, il ne reste plus que les dégoûtants. Quelle formule ! Ce sont les stratégies d'évitement, à force d'être harcelées, de connaître l'omerta, les femmes évitent la politique, elles préfèrent arrêter ? Il y en a qui partent, et c'est vrai que l'exemple d'Edith Cresson, en un sens, est intéressant. Mmh. C'est une fin de carrière qui est très triste. Il y a d'anciens premiers ministres qui ont des parcours par la suite qui sont beaucoup plus florissants ou valorisés. Et donc, les femmes finissent par éviter la politique. C'est vrai que moi, quand j'étais jeune militante, jeune collaboratrice, et quand certains nous disent « Ah bah oui, fais attention, évite tel ou tel, parce qu'il est un peu lourd, prends pas l'ascenseur avec lui, te retrouves pas seule dans une voiture avec machin », bah quand le machin en question, il est député, il est ministrable ou il est maire d'une grande commune, eh bien on va éviter de le croiser et on va éviter son propre parcours professionnel. Les femmes journalistes politiques peuvent souffrir aussi d'une forme de harcèlement, puis il y a un rapport de domination. Une femme journaliste politique peut voir sa carrière gênée, voire pire, si elle dénonce ce qui lui est arrivé. Par exemple, là c'est aussi un terrain de lutte pour vous ? C'est un terrain de lutte et c'est vrai qu'elles se sont fait entendre, les femmes journalistes, en 2015. Elles ont été assez nombreuses. Journalistes politiques a signé une tribune qu'elles avaient intitulée « Bas les pattes » où elles racontaient comment tel ou tel député aujourd'hui devenu ministre proposait de leur donner une info qu'en échange d'un apéro. Leur faisait finalement des réflexions un peu tendancieuses. Une racontait comment un ministre avait tiré l'élastique de sa culotte lors d'un déplacement ministériel. Et donc oui, elles sont souvent confrontées aux mêmes difficultés que nous, on peut l'être en tant que collaboratrice élue. Avez-vous le sentiment que les hommes politiques ont compris ou commencent à comprendre qu'on ne peut plus fonctionner comme avant, qu'ils ne peuvent plus fonctionner comme avant, que c'est interdit, qu'ils vont se faire traquer, que c'est normal ? Je ne suis pas sûre que tous l'aient compris, mais un certain nombre commencent à avoir intégré le message. Néanmoins, c'est un combat qui ne pourra se faire qu'avec eux, puisque c'était à eux d'intégrer les changements de comportement, mais on est encore assez loin du compte, puisque les violences sont encore nombreuses, celles à en souffrir sont encore nombreuses, et puis il y a une question de symbole. Je crois que la récente nomination de deux ministres mis en cause pour des faits de viol dit encore beaucoup sur à quel point la parole des femmes victimes de violences est peu entendue, y compris au sommet de l'État. La parité, venons-en, la parité c'est un outil important, c'est une bonne méthode en politique, sachant que parité quantitative ne signifie pas forcément parité qualitative. C'est un bon outil, et c'est un bon début, et ça on le doit aussi en partie alors au combat mené par les femmes des partis politiques dans les années 60-70, et puis aussi à l'engagement de personnalités comme Edith Cresson et comme Simone Veil, et aussi au poids des institutions internationales, puisque la France était l'avant-dernière mauvaise élève de l'Europe sur ces questions-là dans les années 90. Après, c'est un outil qui a permis d'améliorer les choses. En 99, avant la loi, 93% des maires étaient des hommes. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 80%, ce qui est encore énorme. À l'époque, il y avait 90% de députés hommes, aujourd'hui ils sont 60%. Donc on avance un petit peu, mais la parité, elle n'a pas été achevée. En effet, il n'y a pas de parité qualitative, dans le sens où si vous prenez la répartition genrée des postes, on va retrouver les adjoints aux finances, les adjoints à la voirie, les adjoints à la sécurité dans les villes. Ce sont des postes occupés par les hommes, alors que les femmes vont s'occuper de l'enfance, de la culture, etc. Donc il y a encore beaucoup de choses à faire. C'est une première étape, mais on est encore très loin du compte, et il y a beaucoup, beaucoup de mesures de renforcement de la parité qui pourraient être prises. Ça passe aussi par la sémantique, hein. Juppé et les jupettes, par exemple. C'était quand même un slogan bizarre. Et c'était un épisode catastrophique qui a fait beaucoup de mal aux femmes politiques de cette génération, puisque Juppé se targuait d'avoir un gouvernement avec un nombre record de femmes au printemps 95, et elles étaient quasiment 28%. Et puis première crise politique au mois de novembre, remaniement, elles ne sont plus que 12%, ce qui montre que les femmes sont des fusibles. Et puis voilà. Et puis quand il y a des vrais problèmes, on va régler ça entre hommes. Merci infiniment, Fiona Texer. Je rappelle le titre de votre podcast, Il n'y a pas mort d'homme. Merci, au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui. Edith Cresson, première ministre, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. Merci à Arnaud Cailleux qui était à la technique aujourd'hui.